今日メンタル 早く音楽をかけてちょうだい。 それは各自に任せるとして、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。 工事1200発売中みたいな 痛いっつってて、 痛い、 まあ、息子はキッって言ってました。 これがステレオです。 It's the most beautiful, ugly sound in the world. Ah, この映画見たい。この店行ってみたい。今月残高ピンチ。恋愛20丸。24時間 i モードドコモ。 なるほど青い空の日、2人は始めた愛の生活。全てを愛し合うの、長い時を超え、幾千の夜を愛は越えていくの。溶けていく闇に光る星のように。 小さな Bienvenue au Dionaute, vagabond des fréquences modulées, oui, chevaucheur de l'onde porteuse qui mène au centre de soi, humain qui se pense humain, héritier du continent de plastique et des montagnes de déchets toxiques. Notre espèce post-dinosaure laissera de son passage une couche dans les sédiments, une grosse, bien sale, bien nette. Travailleur à la chaîne devenu travailleur à la tâche, cornaqué par les algorithmes, du code, du texte, des lois écrites dans les machines, non écrites par les peuples et qui pourtant s'appliquent à tous les aspects de leur vie. Progrès de force, progrès de gré. Mais progrès. Qui a besoin d'une IA, une imbécilité artificielle de plus, dans un monde qui déjà compte tant d'IO, des imbéciles organiques. Si on faisait infuser tous les cons et qu'on en précipitait les résultats dans une solution aqueuse, on aurait peut-être une source d'énergie gratuite et inépuisable. On devrait essayer. Une constante chez Homo est de ne jamais se demander pourquoi et dans quel but. Il lui faut concrétiser la moindre de ses idées. Les outils sont neutres, ce sont les humains qui en font un usage, bon ou mauvais, nous disent-ils. Ah bon ? Que peut-on bien faire avec un fusil mitrailleur, à part viser des êtres vivants et papapapapa, et appuyer sur la détente en regardant les chairs se déchirer et la vie s'envoler dans les cris et la bombe A. On peut en faire, on peut faire la cuisine avec. Cuisiner des humains peut-être, des japonais, comme on passe des poussins vivants aux broyeurs. La planète est verte, Mars est bleu, la Lune est yin-yang, et le temps est devenu tout David Lynch. Plus rien n'a de sens et la vérité n'est plus révélée, elle est juste storytellée, relayée, likée comme un avatar Instagram, un peu trop chirurgiqué. Nous sommes perdus. Non parce que le monde sapiens court comme un poulet sans tête à sa perte, mais peut-être que nous nous sommes juste mal pensés finalement. Ou plutôt, certains se sont pensés tout seuls, comme une espèce à part, en traitant les autres d'étrangers. « Ouh, c'est toi le chat !» Nous sommes focalisés sur les gaz à effet de serre, les mobilités douces, les trottinettes et les vélos à assistance électrique. Et nous ne voyons pas que le sol est devenu un désert de vie. Même si l'air restait respirable, nous n'aurions plus rien à manger, même pas les pissenlits par la racine. Car bientôt, plus rien ne poussera et le plastique, eh bien, ça nourrit pas. Les humains sont une espèce étrange qui ne veut changer que lorsqu'elle est confrontée à l'inéluctable réalité. L'être organique est un plat maintenu au chaud le temps que l'heure du repas sonne pour les vers. Le reste du temps, dans le confort, de changement, il n'est jamais question. On aime trop quand un plan se déroule sans accroc. Mais là, juré, on a compris. On ne recommencera plus. On a eu très peur, oui. On aura une vie complètement différente. Juré, craché, si je mens, je retourne à l'âge de pierre. Ah oui, mais non. Non, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, sous-entendu, nous aussi. Nous sommes un peu, beaucoup, passionnément, totalement comme lui. Pourtant, il paraît que la chair qui se pense goûte comme le poulet. Dieu a un goût de poulet ? Je suis 10. Mauvais étymologiquement parlant. Je suis 10. Mais seul parce que neuropatypique, tu comprends. Je suis solitaire by design. Mais je n'ai pas conçu mon schéma cognitif. Je suis 10. Parce que mes meilleures heures de ces 3 dernières années l'ont été pendant le confinement. Quand la plupart se rongeaient les sangs d'être soudain face à leur femme, à leur mari, à leurs enfants. Vite, Netflix, vidons-nous la tête, binge-watchons comme si notre vie en dépendait. Je suis 10, lexique, et pourtant je peux dire acide désoxyribonucléique, sans me tromper, et même, je peux répéter, m'oblige pas, d'accord, acide désoxyribonucléique, voilà, t'es content? Je suis 10, topic, topos, l'endroit, le lieu. Je suis un lieu mauvais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis 10 et pourtant je suis seul. Et je suis heureux. Jamais, oh Dieu, jamais, pour tout l'or du monde, je ne voudrais être un U. Quoique pour tout l'or du monde. Ta-ta-tan. Bonsoir. Nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Cette semaine encore, nous allons plonger à la suite du lapin blanc, au travers du passage qui mène à moi, à vous. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers Tokyo Mental. DJ の世界大会 DMC ワールドでアジアから初の世界チャンピオンに輝く今最も注目の若きヒップホップ DJ 木下真一。21歳で津軽三味線全国大会2年連続優勝。エレキ三味線を駆使して民謡の常識を超えた解説展開。まさに津軽三味線の風雲児。日本を代表する2人のトップアーティストが今新たな音楽に挑む。

Sarà di perro ma va sci, e cantate mo てガチャガタワンもペタの家チェッツペンジョーラカキーレロほとんど逆にテンションはガルガルガルガルガルゼロの神一人の猫者たちもノクノクメタだかしでカルカルペストカカル太鼓は一点ロマで見せる先で邪魔させないまま進める足で I need it 年齢や階級境界は全部レッグオンレッグオン正面から真っ越しをオーバーオー振り返る刹那オーバーオー My life 完成ない頭のおかしな奴らの戦闘は芸術と逆行性がしか真っ越し勝負唱える現代になるライムをマートする俺演馬シルシルシルシルシルじゃなく燃やす心とバスこんな表現すら出せこの頃なセミ許可からそりゃ俺はよそ者だ鏡に映るイカれたお前そのものだ早よつもみ謝罪会見 I'm sorry 破壊再生あるからすりゃやっぱりパイセンずっと一人らに出せどこなブート雷ペイズ DM 毎日目減らねえじゃん K-POP シーンとかどうでもいいや俺を殺せるな俺しかねえ邪魔させないまま進める足で I need it 名や階級境界は全部レッグオンレッグオン正面から真っ越しをオーバーオー振り返る刹那オーバーオー My life 反省ないオーバーオーオーバーオー ました。 Love. てて芸術的なシュート曲がり弾いてプシュッと湿らすあの頃と同じ目をしたピュアな少女、yeah、シャンプー泡立つ指でガシガシしてるような恋愛とは夢中になって前が見えないWhat's up?

Documental est fini dans quelques minutes. Si vous êtes resté jusque-là, ben merci. On se retrouve vendredi prochain à 21h. Bonne soirée, bonne nuit. À plus.